Vous écoutez Futur Simple sur CKRL, toujours au 89.1, et nous allons effectuer un virage futuriste vers le passé. Alors, vers le passé, parce qu'il sera question d'espèces depuis longtemps disparues, mais futuriste parce qu'on va s'intéresser à leur clonage. Mais en fait, peut-être que futuriste n'est pas le mot le plus adéquat pour parler du clonage d'espèces du passé. Alors, et Mélanie Jean va nous expliquer ce qu'il en est du clonage des espèces disparues. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie. Et oui, comme tu l'as dit, on veut tenter, par le clonage, de ressusciter des espèces qui ont disparu, comme par exemple le mammouth, les dinosaures, et d'autres espèces qui ont récemment disparu, même notre proche cousin, l'homme de Néandertal. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs un article qui est paru cette semaine dans le Daily Mail, et ça l'a connu un succès planétaire, parce qu'on y annonçait qu'un généticien d'Harvard, George Church, était à la recherche d'une mère porteuse pour donner naissance à un bébé néandertalien. Ouais, ça c'est toute une nouvelle. Hein? Oui, et ça circule depuis le 21 janvier, en fait, de cette semaine. La nouvelle a carrément fait le tour du monde, fait le tour des médias. Le seul problème, c'est que cette nouvelle est complètement fausse. Mm-hmm. En fait, la presse qui a relayé cette information-là a commis une erreur de traduction de l'allemand à l'anglais. Le chercheur, il s'évertue depuis une semaine à essayer de démentir cette nouvelle-là. Et en fait, tout est parti d'une interview qu'il a donnée au magazine allemand Der Spiegel. Et dans l'entrevue, le professeur expliquait qu'il considérait comme théoriquement possible qu'un jour on puisse cloner un homme de Néandertal, dont le génome, en passant, a été décodé en 2010. Mais il faudrait commencer d'abord par créer une femme Néandertal qui pourrait recevoir ensuite un fœtus et accoucher de celui-ci. Ouais. Et le reste, en fait, de cet article-là est une mauvaise interprétation et aussi, surtout, une mauvaise traduction. Ça a été repris et déformé pour arriver à cette histoire assez farfelue là, de recherche de mère porteuse. Puis d'ailleurs, si vous fouillez un peu sur Internet, vous allez facilement trouver des articles qui parlent de ça. Effectivement, oui. Ouais. C'est marrant de voir comme ils sont écrits très au sérieux plus. Hein, avant que ce soit démenti. Et c'est des sources très sérieuses. Oui, là. C'est ça. Et on a donc vraiment mal interprété ces dires. Et puis on a conclu vraiment rapidement, à tort, que le clonage de l'homme de Néandertal était prochainement envisagé. D'ailleurs, le chercheur affirme qu'il n'est pas du tout favorable à un tel projet, d'ailleurs. Mm-hmm, oui. Mais en fait, effectivement, on peut se poser des questions éthiques à ce sujet-là. Puis ben d'ailleurs, oui. Pourquoi est-ce qu'il serait pertinent ou peut-être impertinent de faire revivre l'homme de Néandertal? Ben, effectivement, ça soulève des questions qui relèvent d'éléments autant éthiques que scientifiques, comme tu l'as dit. Je crois que la seule réponse, en tout cas, qui me vient à l'esprit, c'est probablement parce qu'on a envie d'en savoir plus sur notre histoire, sur nous-mêmes, sur notre espèce. Mm-hmm. Ça peut paraître peut-être un peu égocentrique, d'ailleurs. Mais juste pour vous faire un petit rappel, il y a environ 250 000 ans, l'homme de Néandertal a peuplé l'Europe et une partie de l'ouest de l'Asie. Mm-hmm. Et peu après sa rencontre avec Homo sapiens, qui est notre descendant, cette hominidée a disparu il y a environ 30 000 ans. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est à cause d'un changement dans l'environnement? Est-ce que c'est carrément une extermination par l'homme moderne? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu un métissage? On ne sait pas vraiment avec certitude c'est quoi la cause. Et pour essayer d'en savoir plus, ben, une équipe de généticiens avait réussi en 2010 à décoder son ADN. Et une fois son séquençage effectué, les spécialistes se sont aperçus que le génome de l'homme de Néandertal est très proche du nôtre. En fait, les deux espèces pourraient pratiquement en faire qu'une seule. Oui, en fait, ça montrait, je me souviens, qu'il y avait surtout dans la population européenne, je crois, des morceaux. Oui, un genre de pourcentage d'ADN. Un pourcentage non négligeable d'ADN. Donc, on croit qu'on est issu de croisements, carrément, entre l'homme de Néandertal et l'homme, l'Homo sapiens. Et bien que le chercheur d'Harvard ait réussi à récolter suffisamment d'ADN à partir d'os fossilisés pour reconstituer intégralement le génome de l'espèce humaine qui est disparue, la concrétisation de ce projet-là est vraiment loin d'être faite. D'ailleurs, faites juste imaginer comment se sentirait cet être humain, parce que c'est un être humain, mais d'une autre espèce, mm-hmm. qui serait unique au monde et probablement aussi bien seul au monde. Ouais. Il va probablement se sentir comme une bête de foire un peu. Ouais, c'est pas très souhaitable. C'est ça. Ouais. Donc, cette nouvelle qui a vraiment enflammé la toile médiatique cette semaine, par contre, n'est pas la première dans le genre. Ben oui, parce qu'il me semble qu'on a entendu parler d'une histoire similaire avec le mammouth. Oui, et quelques mois auparavant, en fait, on remonte il n'y a pas longtemps, en septembre 2012, on parlait du clonage de mammouth. Et ça faisait vraiment la manchette pendant plusieurs jours. Mm-hmm. Plusieurs restes de mammouth, en fait, ont été retrouvés en Sibérie et certains spécimens complets sont même incroyablement bien conservés. Avec la découverte récente de tissus, on retrouve aussi de la fourrure et de la moelle osseuse dans ces restes-là. Ben là, l'équipe russe qui a fait cette découverte-là en Sibérie a donc accès à l'ADN du mammouth. Et là, les médias se sont enflammés immédiatement. Bon, ça y est, on va ressusciter le mammouth. Mm-hmm. Et là, encore une fois, il y a eu une erreur de traduction du russe à l'anglais qui a, sur l'article en question qui faisait part de cette découverte-là, on disait qu'on mentionnait même qu'il y avait des cellules vivantes. Ah oui, carrément, des cellules vivantes. Hmm. Ouais. Et sinon, alors, en fait, est-ce qu'on pourrait réellement cloner le mammouth? Ben encore une fois, là, comme je le disais, il y a des médias qui sont venus rapidement à la conclusion que ressusciter un mammouth, c'était pour bientôt. Puis l'erreur de la traduction n'a pas aidé non plus, là, qui annonçait des cellules vivantes. C'est une chose qui est vraiment impossible à retrouver sur un spécimen mort il y a des dizaines de milliers d'années. Ouais. La congélation du pergélisol a quand même des limites. Ah oui, absolument. Ouais. Et comment est-ce qu'en réalité, comment on pourrait réutiliser le matériel génétique? Bon, les cellules ne sont pas vivantes, mais il y a de l'ADN. Oui. Donc, comment on pourrait réutiliser le matériel génétique pour recréer un mammouth vivant? Mais tout d'abord, il faudrait trouver un éléphant femelle. Et c'est actuellement l'espèce qui est la plus proche, là, génétiquement parlant, du mammouth, et d'y implanter un ovule fécondé avec le bagage génétique du mammouth. Mais en fait, ça, c'est vraiment loin d'être simple. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, l'idée de cloner un mammouth, c'est pas une idée qui est nécessairement nouvelle. En 2008, il y a une équipe japonaise qui est parvenue à cloner des souris qui étaient mortes congelées 16 ans auparavant. Ouais. En 2011, il y a d'autres biologistes japonais qui ont été motivés en grande partie par cet exploit. Ils ont voulu tenter l'expérience sur des restes de mammouth. Sauf que pour un mammouth, ça c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il faut d'abord récupérer la totalité de l'ADN. Et puis là, cet ADN a pu être partiellement dégradé. Ben oui, il n'est pas... C'est pas récent. Et là, il faut ensuite préparer ce matériel génétique-là pour que ça ressemble à des chromosomes. Ouais. Et ça, non plus, c'est pas une mince affaire. Et quand tu as récupéré un ovocyte sur une éléphante et y injecté une ovule fécondée par la suite, ça, c'est encore plus compliqué. Parce que l'éléphante produit des ovocytes une fois tous les 5 ou 6 ans. Mm-hmm. Ça veut dire que l'éléphant est fécond une fois aux 5 ou 6 ans. Ouais. Donc, il faut savoir quand, en partant. C'est pas très facile. Pour compliquer le tout, ben là, il faut faire un transfert interspécifique. Ça, ça veut dire qu'on prend un embryon et qu'on le met dans l'utérus d'une femelle d'une autre espèce. Parce que le mammouth et l'éléphant, bien qu'ils ont des liens communs, c'est pas la même espèce. C'est vraiment, oui. Et c'est un peu... En fait, le résultat de ça serait carrément presque aléatoire. Et de plus, on est d'ailleurs actuellement même incapable de cloner un éléphant. C'est ça, c'est la question que je me posais. En fait, même si on veut cloner un éléphant, est-ce qu'on se le fait pour le moment? Non. Présentement, comme tout ce que j'ai mentionné, c'est en raison de ces difficultés-là et de la fertilité assez faible des éléphants. Mettons qu'on nage en pleine science-fiction, là. Oui, c'est imaginer avec un mammouth maintenant. Oui, c'est ça. Alors, c'est encore plus improbable. Oui, c'est ça. Et ça me fait penser à d'autres espèces éteintes aussi, les dinosaures. Oui. Il y a peut-être qui ont fabulé là-dessus aussi. Oui, tout le monde se souvient du fameux film Jurassic Park et de ses suites. Et nombreux sont ceux, moi la première, qui s'est posé la question, est-ce qu'on peut cloner un dinosaure? Parce que là, on a retrouvé des centaines, voire des milliers, même des millions de fossiles à travers la planète de différentes espèces. Mais les fossiles, ça ne fait pas l'ADN, ça? Non, pas tout à fait. Et comme je l'ai mentionné auparavant, ça prend de l'ADN. Mais il faut qu'elle soit le plus intacte et le plus complet possible. Là, ça, c'est pas une mince affaire. Parce que là, l'ADN, elle peut pas survivre pendant des millions d'années. C'est ça le problème. Il va se dégrader de moitié après juste 521 ans. C'est très court. Et la moitié de ce qui reste va mettre aussi 521 ans à disparaître, et ainsi de suite. Donc, au final, l'information génétique, elle va être complètement illisible à partir de 1,5 million d'années et complètement détruite après 6,8 millions d'années. Et je vous rappelle qu'il y a au moins 65 millions d'années qui nous séparent du dernier dinosaure, pratiquement. Donc, c'est impossible de cloner un véritable spécimen parce que là, l'ADN est complètement irrécupérable. Et tous ceux qui ont conservé des petits insectes dans l'ambre, comme dans le film, là, ça fait une belle décoration. On va la garder comme décoration. Oui, exactement. Parce que vous ne ferez rien, vous ne pourrez tirer absolument rien de ça. Ouais. Donc, le clonage d'espèces disparues, c'est vraiment loin d'être la solution miracle. Quand on a une espèce qui disparaît, faut pas se dire « Ah, c'est pas grave, on l'aura juste recloné dans quelques années, c'est ça. Ouais. » Il faut plutôt... Ça marche pas. Non, c'est ça. Ce qu'il faut plutôt avoir en tête, c'est Il faut faire des efforts pour conserver la richesse de notre biodiversité. Ça, c'est vraiment important parce qu'elle est grandement menacée, surtout ces dernières années. Juste pour faire un petit rappel en terminant, en 2012, il y a 41% des amphibiens, il y a 13% des oiseaux et 25% des mammifères qui étaient menacés d'extinction. Et dans la dernière édition, qui date de 2012 aussi, de la liste rouge mondiale des espèces menacées, qui est publiée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le UICN, des 65 518 espèces qui ont été étudiées, il y en a 20 219 qui sont classées menacées. C'est une grosse proportion. Énorme. On arrive à presque un tiers. Oui. Ouais, c'est une grosse proportion. Donc, il faut pas... vaut mieux se préoccuper de préserver ces espèces-là plutôt que de dire on va les recloner dans 10 ans quand elles auront disparu. Ben merci Mélanie, c'était très intéressant. Ça fait un plaisir. Oui, d'une part, ça montre aussi l'emprise médiatique sur la communication scientifique. Une erreur de traduction, reprise à l'aveugle de médias en médias, puis on annonce à des annonces complètement farfelues et erronées, sans se poser apparemment plus de questions. Oui, c'est quand même assez surprenant, comme quoi c'est toujours bon de retourner aux sources, à condition de pouvoir lire le russe, bien sûr. Oui. Puis ensuite, ce rappel sur la nécessité de conserver les espèces actuelles plutôt que de s'en remettre à un hypothétique clonage. Et ça tombe bien d'ailleurs que tu en parles, la conservation des espèces nous donne une belle transition sur notre prochain sujet, puisque nous parlerons de la protection des milieux marins. Mais pour le moment, c'est l'heure de la publicité sur CKRL au 89.1.